Les Mountain Daisies avec Amélie et c'est une reprise de sa propre chanson Les Filles. Ça nous mène à 8h18 et Patrick Dion est auteur et chroniqueur web. On va jaser web avec lui. Bonjour Patrick. Comment cela va-t-il? Ça se lavatit très bien. Excellent. Moi-même. Et on va parler Google surtout parce que il y a plusieurs annonces là qui depuis quoi la semaine dernière en fait concernant de nouveaux produits ou des produits améliorés. Se lavatit bien pour Google. Hein? Justement la semaine passée c'était Google I/O qui est la conférence pour les développeurs Google. Google, comme toujours, il a été avec des présentations allumées, a parlé entre autres du développement des Google Glasses dont tout le monde attend et dont Christian me parlait justement avant. On parlera pas des Google Glasses aujourd'hui, par contre, mais on va parler, justement, Google en a profité pour faire l'annonce de mise à jour de plusieurs produits. Et entre autres, on va commencer avec Google Plus. Donc, je ne sais pas si vous avez été faire un tour sur Google Plus dernièrement. Non, tu dis non, malheureusement. Non, Google Plus, vraiment... Je n'ai même pas de compte. Tu n'as même pas de compte? Non. Je vais te taper les doigts. Mais c'est pas grave parce que tout le monde qui a un compte, sur Google il va pas. Ben, c'est ça le problème. On ne peut pas avoir un compte. C'est ça le problème. Parce que visuellement, c'est absolument génial. On s'en rappelle peut-être quand Google Plus est sorti, ça fait, mon Dieu, fait quoi, peut-être un an et demi déjà, au moins, un an et demi, deux ans. Facebook avait tellement trouvé l'idée des cercles géniale qu'il avait complètement copié l'idée des cercles sur sa propre interface et des abonnements publics, etc. Donc, Google, encore une fois, qui a été d'une modernisation de son interface assez assez magnifique, je dirais. On voit, quand on arrive sur une page Google+, maintenant, on a deux ou trois colonnes. C'est des colonnes dynamiques, donc, qui se placent par rapport à la grandeur de ces images. Et ça fait penser un petit peu à l'interface de Pinterest. Si t'es habitué à Pinterest, l'interface fait vraiment penser à l'interface de Pinterest. Maintenant, on a ajouté aussi 41 nouvelles fonctionnalités, dont le Google Hangout, qui est leur système de messagerie interne qu'ils utilisaient, que tu as peut-être vu, ce qui permet, entre autres, de faire de la vidéoconférence. Maintenant, on a créé une application complètement indépendante de Google Hangouts, un petit peu comme Facebook a fait avec son système de messagerie. Sauf que l'avantage avec Google Hangouts, c'est qu'il permet de faire de la vidéoconférence à plusieurs, jusqu'à 10 personnes, et ce, même en version mobile. Donc, c'est quand même assez hallucinant quand tu regardes ton téléphone et que tu es en mesure de parler avec 4, 5, 6 personnes en même temps sur ton écran. Vraiment, vraiment très, très beau. Mais là, dans le cas de Google, on a vraiment un succès d'estime. On voit que ce sont des leaders qui innovent sur leur plateforme, mais au niveau du succès populaire, d'aller arracher des grosses parts de marché à Facebook, ça semble Au niveau du réseau social, c'est difficile de déloger quelqu'un qui est en place depuis plus longtemps que soi. Avec un milliard. C'est ça l'affaire, c'est que il y a un milliard de personnes sur Facebook, puis il y en a peut-être, je sais pas, 300 millions sur Google+, mais il y en a peut-être 12 qui l'utilisent vraiment. Est-ce qu'il y a de la pub sur Google+? Y a-t-il de la pub sur Google Plus? Il y a les Google Ads de mémoire, mais avec la nouvelle interface, me semble que... Kamal à la mise en onde. Ouais, voilà. Ben merci, Kamal. Alors, ici, il y en a... Ah, ben il y en a un qui l'utilise. Il est ici, derrière notre vitrine. Bon, voilà, on va te décerner des fleurs. Ah, il l'utilise pas, tu vois. Il est abonné, mais sans plus. Autre élément, Google Wallet. Ben oui, Google Wallet qui va être intégré à Gmail. Alors, Google Wallet qui est un portefeuille qui nous permet de payer des trucs sur Internet avec... son argent. Donc, Google Wallet a été intégré à Gmail. Ça va être possible bientôt de fournir, de payer ou de même d'envoyer des sous à quelqu'un, un peu à la façon des... comment ça s'appelait? Qu'on envoie... Avant, on appelait par téléphone pour envoyer de l'argent à ses amis à l'autre bout de la planète. Là. En tout cas, ça va me revenir money peut-être. Transfer, ces choses-là, quelque chose comme ça. Mais là, maintenant, via Gmail. Donc, on le traite vraiment comme une pièce jointe. Je ne l'ai jamais fait. J'ai pas d'amis. T'as pas d'amis? Ouais, T'as pas d'amis? Va sur Google Plus, tu vas peut-être en trouver une couple. J'en trouve des amis. Donc, ou chez Jean Coutu. Oui, c'est ça. Donc, c'est possible d'annexer comme une pièce jointe des montants d'argent. Je dis c'est possible. Ça va être possible d'ici quelques mois. Donc, ça va être offert au tout début aux États-Unis pour les personnes de 18 ans et plus. Et ça va être possible de l'utiliser sur ordinateur et sur téléphone. Donc, bientôt. La notion de sécurité est encore, comme tout le monde a peur, est-ce que je vais être capable de joindre de l'argent? Je veux-tu vraiment connecter mon compte bancaire avec Google? Moi, je pense que ça va être immanquable à un moment donné. Il va falloir, de toute façon, le faire un bon moment donné. Là. Je veux dire, the name of the game, c'est ça maintenant sur Internet. Hein? Je veux dire, okay. La sécurité, c'est un gros point d'interrogation. On n'aura plus de cartes bientôt. Le téléphone va servir à tout. Oui, ben, justement, avec la technologie NFC, c'est vraiment ce qui va arriver. Bof, mettons, on n'aura plus de cartes. On va peut-être en avoir encore encore, mais de la même façon qu'on n'utilise pratiquement plus maintenant le chèque ou même l'argent comptant. Je traîne très, très rarement de l'argent comptant sur moi. Je paye toujours avec ma carte de débit maintenant. Alors, à un moment donné, ça va être transféré tout ça vers des portefeuilles électroniques. Et il y a aussi YouTube là, qui appartient à Google, on le rappelle, là, qui va se lancer davantage là, dans le streaming, donc la diffusion d'événements en direct. Ben, en fait, Google faisait déjà de la diffusion en direct depuis quelques années, mais par contre, maintenant, ils ont annoncé au Google I.O. qui ouvrait la possibilité à toutes les chaînes qui possèdent plus de 1000 abonnés de faire du direct. Alors, tout le monde peut avoir sa propre station YouTube maintenant. Et ça va être aussi possible pour les Google Hangouts, et ça, sans limite de d'utilisateurs. Donc, tu peux avoir, mettons, 5 abonnés sur ta chaîne YouTube et tu peux diffuser des Hangouts en direct. Alors, c'est la grosse nouvelle du côté de YouTube, qui devient comme ça un gros compétiteur à Ustream et à Livestream. Et en terminant pour Google, le tout nouveau Google Maps qui s'en vient, il est encore en version test, mais j'ai eu la chance de voir la vidéo de présentation et vraiment, on se demande comment peut-on améliorer un système cartographique aussi génial que Google Maps, mais ils ont quand même réussi à faire des... Mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Ben voilà, entre autres, la possibilité de trouver des lieux communs sur une même carte. Comme par exemple, moi je suis au coin de Saint-Laurent-Sainte-Catherine et je veux trouver quels sont tous les restaurants de sushi ici dans le coin. Alors, Google va, grâce à une interactivité complète sur la carte, me surligner tous les restaurants de sushi dans les environs avec les meilleurs itinéraires possibles pour s'y rendre et garder justement ces itinéraires-là en favori, ce qui était vraiment très, très le fun. Mmh. Alors, bravo à Google. Ouais, c'est tout est dans tout, comme on dit. Hein. Et en terminant, on change d'univers. Là, on lâche un peu Google quelques instants. Quoique... J'ai installé hier un fameux plugin sur mon Google Chrome. Ouais, voilà. Ça s'appelle Dictionary of Numbers et je sais pas si ça en tout cas moi personnellement ça m'a fait bien plaisir d'apprendre qu'une telle invention existait et peut-être ça va faire plaisir à certains auditeurs. Souvent on cherche lorsqu'on a de gros chiffres, on cherche des éléments de comparaison, c'est combien de piscines olympiques tel terrain à Montréal ou c'est combien de terrains de football. Et bien là on a un outil pour le faire maintenant pour comparer. Ouais, c'est vraiment le fun. En fait, c'est un outil qui contextualise dans un aspect humain des chiffres qui n'ont pas de bon sens. Comme par exemple, admettons que je vous dis que le plus gros incendie de forêt l'année dernière aux États-Unis avait rasé 300 000 acres. Ben, tout le monde, premièrement, un acre, j'ai aucune idée c'est quoi, mais 300 000 acres, c'est quoi exactement? Mais saviez-vous que 300 000 acres, c'est la superficie de Hong Kong ou de Los Angeles? Mais quand on contextualise comme ça, l'image est vraiment frappante. Donc, cette extension Google-là, encore une fois, tu as dit oui, exactement, c'est Google Chrome. C'est Google, ben donc, oui. C'est une extension pour Google Chrome qu'on installe dans son navigateur. Eh bien, c'est de l'or en barre pour des journalistes ou pour quiconque qui écrit des textes, justement, qui veut donner des chiffres. Comme par exemple, savais-tu que la Statue de la Liberté fait 100 mètres? Voilà. Donc, on dit 100 mètres. C'est combien 100 mètres déjà? Je vais courir jusqu'à 100 mètres, jusqu'au coin de la rue, je sais pas trop. Ben, c'est pareil comme tu courais tout le long de la Statue de la Liberté, mais couché, parce que courir par en haut, ça prend un peu plus de temps. Donc, c'est vraiment génial. La seule chose, c'est qu'elle est en version bêta. Et il faut faire très attention. De un, elle est disponible uniquement en version unilingue anglaise. Donc, il faut écrire, par exemple, 100 million people et non pas 100 millions de personnes parce qu'il ne trouvera pas de résultat. Et une autre chose aussi, c'est que les termes, la façon qu'on écrit nos termes va influencer sur sur les résultats de recherche. Donc, 100 millions en chiffres et 100 avec le mot million aussi fonctionnera pas de la même façon. Ah, c'est dommage, mais ça va sûrement s'améliorer. Donc, dictionaryofnumbers.com. Génial. Merci, Patrick Dion. Bonne semaine.